Dès novembre 1853, plusieurs éditions clandestines, comme le furent celles des poèmes d'Éluard et d'Aragon lors de la dernière guerre, s'efforcèrent de ranimer la foi des Français dans la République et dans la liberté. De longs poèmes encadrent le recueil des châtiments, Nox et Lux. Nox, le poème initial, présente d'abord les préparatifs du coup d'État de Louis-Napoléon dans la nuit du 1er au 2 décembre 1851. Et pourtant, flairant dans l'ombre les escrocs, le dogue Liberté gronde et montre ses crocs. Évoquant les suites immédiates de ce coup d'État, Victor Hugo s'emporte ensuite contre l'océan, qui se fait le complice du prince en acceptant de déporter des centaines de républicains, parmi les vents et les écueils, vers Cayenne, aux fosses profondes. L'auteur des châtiments indique enfin ce qu'il souhaite pour Louis-Napoléon. Quand nous tiendrons ce traître abject, frissonnant, blême, affirmons le progrès dans le châtiment même, la honte et non la mort. Rapprochant le poète satirique latin Juvénal de Dante, génial poète épique et satirique, Victor Hugo manifeste son intention de hausser la satire au rang plus noble de l'épopée, dont les plus anciens exemples sont les poèmes homériques de l'Iliade et de l'Odyssée. Toi qui aimais Juvénal, gonflé de lave ardente, toi dont la clarté lui dans l'œil fixe de Dante, muse indignation, viens, dressons maintenant, dressons sur cet empire heureux et rayonnant, et sur cette victoire, au tonnerre échappée, assez de pilori pour faire une épopée.